chapitre 10e, où Delphin Gresset réapparaît. On ne rencontre pas toujours dans ces promenades des jeunes filles intéressantes ou des roches qui méritent classification. En outre, l'atmosphère cloître souvent au logis les amoureux de grand air. Quand l'humeur, la pluie ou la neige l'obligeaient à garder la chambre, Delmont parcourait donc les livres de la bibliothèque laissés par son grand-père, feu Monsieur Delorme. Ce n'était pas uniquement qu'il y fût moralement tenu, mais bien parce qu'il nourrissait le vague espoir d'y découvrir une indication permettant de trouver le mot de l'énigme. Comme il avait l'intelligence ouverte aux manifestations de toute activité humaine, il finit par s'intéresser à ce qu'il avait entrepris, et ma foi, le moment vint où il eut aussi doctement disserté sur les rosaces gothiques que sur les chapiteaux romans ou sur les coupoles byzantines. Il feuilleta même sans ennui une histoire régionale avec planches et gravures parue en 1882 sous la signature d'un certain monsieur Ducolat de Grisnois, notaire honoraire, officier d'académie, ancien correspondant du ministère de l'Instruction publique, membre de l'Académie de Besançon. Il y apprit que la ville de Besançon, l'ancienne Mesuntio romaine, avait été forte place d'armes à l'époque de Jules César, cour de justice sous les ducs de Bourgogne, cité impériale du temps de l'empereur Frédéric, jusqu'à l'époque de la réunion de la Franche-Comté à la France. Il y apprit surtout, d'ailleurs, que le château du reliquaire était construit sur l'emplacement d'un château fort du XIIIe siècle et que le logis principal se trouvait encore soutenu par une partie de l'ancien donjon. L'auteur signalait enfin que les caves, malgré leurs dimensions spacieuses, ne formaient qu'une minime partie d'un système de souterrains rayonnant loin dans la campagne. Malgré qu'il fût d'une maçonnerie pour ainsi dire indestructible, où entraient de la pouzzolane, de la brique pilée, des graviers, des cailloux, de la chaux, du sable, certains avaient du ciboulé. En tous les cas, il semblait bien qu'ils figurassent tous au plan annexé en fin de l'ouvrage. Delmont, aussitôt de sauter à la dernière page du volume. Il eut une forte déception. Des feuillets en avaient été détachés d'un trait de canif inséré, comme l'indiquait la coupure presque sans bavure, faite avec grand soin, des onglets. L'ingénieur appela Bernard alors en train de procéder au nettoyage de la cuisine. « J'accours !» répondit le bonhomme sans pourtant se précipiter. Delbo interrogea. « Quelqu'un d'autre que moi est-il entré ou entre-t-il ici parfois ?»« Mais oui, monsieur, » confessa l'autre. « Ah bah, et qui donc, s'il te plaît ?» Moi-même, parbleu. » Déconcerté par la niaiserie de cette logique, qui pouvait être de l'humour, l'ingénieur se mit à rire. Il continua. « Quoi qu'il en soit, il manque des feuillets à ce livre. Ce ne sont pas les rats, n'est-ce pas, qui les ont grignotés. Alors il faut qu'on les ait arrachés. » Il s'attendait à deux proverbes, pour le moins. Bernard, chose étrange, ne répondit pas. Sa contenance embarrassée plaidait coupable. Visiblement très mal à l'aise, paupières baissées, il tortillait un coin de son tablier bleu. Delbon s'emporta. Oui ou non, t'es-tu servi de ces feuillets pour allumer le feu? Que sais-je? Un nouveau placide et tranquille, le domestique protesta. Non, je dis non, je peux pas dire oui, puisque c'est non. Alors le diable les a emportés pour faire des cocottes, je ne sais pas. Je ne tirerai rien de cet animal, pensa Delbon, et je perds mon temps et ma jeunesse. J'en ai fait l'expérience, cependant. Et il écrivit aussitôt au libraire de Pontarlier dont la maison avait imprimé l'ouvrage. Par retour du courrier, on lui répondit. Bien en main, votre honoré du 16 courant, je m'empresse de vous faire connaître qu'il ne me reste plus en magasin un seul exemplaire de l'ouvrage, assez rare, de Colas de Grisenois. Un client de passage m'a acheté récemment les 4 derniers volumes de cette étude. Mes livres me permettent de vous préciser la date, le 23 mai dernier. Le 23 mai, rapprocha Delbon, presque la date de la mort de mon grand-père. N'y a-t-il là qu'une coïncidence fortuite? Le vendredi suivant était un 13. De la neige fondue tombait par rafale, pas moyen de mettre le nez dehors. Voyons, songea Delbon amusé, si les superstitions ont du vrai. Sur le premier rayon de sa bibliothèque, il prit le 13e ouvrage de la rangée, s'enfonça pour le feuilleter dans un excellent fauteuil, jouissant par contraste de la bonne tiédeur de la chambre. En effet, quand il levait les yeux de sur son livre, il apercevait, par la fenêtre, la chute des mouches blanches qui tourbillonnaient tout à coup follement au souffle de la bourrasque. Delbon pensa. Poussons la petite expérience jusqu'au bout. Ouvrons à la page 13. Déception. Elle n'avait rien de particulier qu'une tache jaunâtre d'humidité. Alors, il revint la préface et en commença la lecture. Cette in 18, reliure parchemin, avait été en vente en 1740 à Paris au palais, chez Joseph Saugrin, au sixième pilier de la grande salle, vis-à-vis de l'escalier de la cour des aides, à la bonne fois couronnée, et avec approbation et privilège du roi. Il traitait doctement des matériaux, de la maçonnerie, de la menuiserie, du toisé et autres choses nécessaires pour la construction d'une maison de campagne. Composé en Elzévir à ses fins, il fatiguait les yeux et Delbon allait le rejeter. Il aperçut soudain que certaines lettres d'une page de milieu étaient soulignées d'un trait rouge. Ce minutieux travail n'avait pas dû être opéré sans intention. Delbon avait trop éprouvé les bizarreries de caractère de son grand-père pour passer outre. Il y avait là probablement une indication. Laquelle ? S'attendant à se trouver en face d'une combinaison à résoudre, il commença de relever, une par une, sur son calepin, les lettres soulignées. Il, ce, s, te, rn, os, io, sn, ct, hl, aa, nc, dl, e, lf. Me voilà bien avancé, se moqua Delbon avec un désappointement comique. Au travail. Je ne suppose pas que mon grand-père se soit vertué à me dégoûter des rébus. La combinaison doit être plus simple qu'elle n'en a l'air, au premier abord. Et au fait, si je me prenais autrement, les écritures d'Occident se lisent ou de droite à gauche ou de gauche à droite, et celles de l'Extrême-Orient de haut en bas, voyons si ces dernières méthodes donnent quelques résultats. Et il écrivit LL, EESS, TERN, etc. Victoire, victoire! S'écria-t-il. Je lis bien, les trois chandelles en sont la clé. Si je tire des conclusions du soin que l'on a pris à soustraire certains plans, ne se pourrait-il pas que le flambeau illumina les souterrains d'une façon toute particulière? Explorons-les et collectionnons les informations, même absurdes, que je pourrais réunir sur eux. Aussi résolut-il dès lors d'étudier, cette fois de tout près, les caves de l'ancienne demeure. La maçonnerie semblait avoir été partout consolidée à une époque assez récente. Delmont apprit que ce travail avait été entièrement effectué par des manœuvres piémontais ignorant la langue française et que, sans doute pour éviter des indiscrétions éventuelles, ils étaient nourris et logés par les soins de M. Delorme, qui dirigeait et surveillait en personne tous les travaux. Delmont conclut assez gaiement « Puisque dans le cas qui m'occupe, la vérité est dans une cave, et comme elle s'effaroucherait sans doute d'apparaître à mes yeux de jour dans sa nudité chaste, je la poursuivrai donc la nuit. » Cette précaution me permettra en outre d'éviter tout espionnage. Si, au cours des expéditions nocturnes qu'il entreprit alors, l'ingénieur ne découvrit point la vérité qu'il poursuivait, du moins connut-il l'aventure. Il avait donc, cette nuit-là, patiemment sondé les murailles pendant plus de 2 heures, sans rien trouver, et un peu là, s'était assis sur une vieille caisse abandonnée. Il se reposait tranquillement en réfléchissant au mystère que recelait probablement le dédale de ces caves spacieuses, s'étonnait une fois de plus de ce qu'a d'angoissant pour les gens les moins nerveux ce silence qui existe sous terre lorsqu'il tressaillit brusquement. Dans le lointain se produisait une sorte de grincement bizarre dont il hésita un instant à déterminer la nature. Soudain, la flamme de sa bougie, qui dans une atmosphère tranquille montait droite, la seconde d'avant, s'inclina perceptiblement, pareil à une flèche lumineuse dont la pointe s'orienterait dans une direction donnée. Un appel d'air, évidemment. Impossible de s'y méprendre. Était-ce donc qu'au lieu indiqué une partie du mur s'en trouverait? D'ailleurs, un second grincement de même nature que le premier semblait confirmer l'hypothèse. L'ingénieur subit un moment d'émotion bien naturelle. Il sentait un danger dans l'ombre, plus inquiétant de ce qu'il ignorait comment l'affronter. Il se ressaisit vite. Pourtant, souffla sa bougie, s'effaça dans un retrait de maçonnerie. La précaution n'était pas vaine. Voici qu'au fond du boyau ténébreux surgissait une lueur pâle, probablement celle d'une lanterne, qui découpait un cerne blafard sur le sol inégal et obscur. Puis, des coups d'une sonorité familière retentirent. Delbon n'avait provoqué de semblable un instant avant. Un marteau inlassable sondait la paroi opposée à celle contre quoi l'ingénieur s'aplatissait de son mieux. Henri attendit patiemment, pas très longtemps en vérité. Sifflotant à son habitude, Delphin Graissé apparut, mais on le devinait de fait bien plus qu'on ne le distinguait. Lorsqu'il eut presque en face de lui le large dos du personnage, Delbon, Browning au poing, cria « Pas un mouvement, ou du moins, pas un autre que ceux que je t'ordonnerai, si tu ne veux pas que je te casse la tête !» Le ton de l'injonction ne laissait aucune place à l'équivoque et Gresset s'immobilisa. Delbon poursuivait. « Tu vas prendre le chemin de mon studio, où nous serons mieux pour causer. Et je te le répète encore, pas de dérobade, mon bonhomme, car je ne te préviendrai pas avant d'agir. » Paraissant ne pas témoigner d'inquiétude ni même de surprise, Gresset, sans détourner la tête, répondit « C'est bon, ça va bien. Vous fâchez pas, j'obéis. » L'ingénieur ordonna de nouveau « Conserve ta lanterne si tu veux, mais lâche ton marteau, animal. » Gresset obtempéra docilement et l'on se mit en marche. L'ingénieur poussait l'autre en quelque sorte ou tout au moins le serrait de très près. Sous la menace du pistolet, Gresset ne bronchait d'ailleurs pas. On fit de la sorte quelques mètres. Soudain le rustre laissa choir son falot, avec un juron à laisser croire que le premier, il déplorait cet accident. L'unique clarté s'éteignit, peut-être sous l'action hypocrite d'un pesant brodequin. En tout cas, ce furent les ténèbres, et Delmont se sentit saisir aux chevilles par de véritables étaux. Le Gresset s'était adroitement laissé choir, et à son exemple, l'ingénieur perdit l'équilibre, tomba à plat ventre, s'étala. Néanmoins, comme il n'avait pas lâché son arme, dans sa chute, il tira au jugé deux fois sur la forme indistincte qui s'enfuyait. D'autres coups de feu firent écho. Delbon s'était levé, tapi à moitié derrière un feu vide, et continuant à décharger son automatique dans le noir. On ripostait. Duel sans merci, entre ombres. Pas une détonation qui ne se répéta aussitôt. Chacun épiait la flamme du canon de son adversaire pour essayer de faire mouche. Comme il ne restait plus qu'une cartouche dans le chargeur du Browning, l'ingénieur entendit nettement à nouveau le grincement particulier qu'il avait perçu tout à l'heure lorsqu'il méditait sur sa caisse. Une dernière fois, hâtivement, il pressa sur la gâchette. Un cri bref de douleur vibra. L'oiseau était sûrement touché. Néanmoins, quoiqu'il fût blessé, il réussit à s'envoler. Un grincement encore, le silence. L'ingénieur battit le briquet. Il était complètement seul.